Salut à toutes et à tous, bienvenue pour On va se marrer. On passe tout le mois de juillet au Festival d'Avignon et aujourd'hui, c'est une de nos meilleures imitatrices. Elle s'appelle Anaïs Petit, elle est tous les jours paire à 20h10 au Théâtre de l'Observance et aujourd'hui, dans On va se marrer. Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Alors on va se marrer comme chaque semaine, ouais. Avec à ma droite le Jurassic Park des ondes, oh là là. Le Triceratops de la FM, Bob du club. Salut les filles. L'encyclopédie vivante des les blagues les plus nulles qui puissent exister. Oh, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, oui, il vous donnera des preuves tout à l'heure, c'est Maurice. Ah, oui. Salut à tous. Il est en face de son micro, donc il va pouvoir vous dire bonjour facilement. C'est ton micro. C'est Manu. Bonsoir tout le monde. Ah oui. Il, ce soir, nous a préparé des blagues très mignonnes. Oui, il s'est éloigné de Maurice aujourd'hui. C'est GG. Ah oui. Bravo GG. Oh là. Oui. Tu me tapes pas moi. L'association des Rosés de Provence vous présente Fabrice. Ah oui. Je ne suis pas seul ce soir. Ah oui. L'émission sera réalisée comme chaque semaine par Davy. Ah oui. Ah oui. Oh là là. Kiné-nous. Et on s'excuse à l'avance, car ça va être animé par Philippe Bello. Oh bon, ça va être bien alors. Ça suffit. Alors, cher Frédéric, oui. Comme chaque semaine, tu as convié à ce traquenard une invitée connaît l'émission. Elle connaît l'émission, elle est déjà venue il y a quelques mois, elle revient pour notre plus grand plaisir, c'est Anaïs Petit. Ouais. Salut Anaïs. Salut. Ça a été long. Ah oui, Anaïs, ça fait un moment. Ah, bah, il dit moment. Quelques semaines, mais ça fait quelques années. Oui, ça fait quelques mois. Quatre ans, oui. Quatre ans. Oui, bah, ça fait 48 mois. Bon, alors, Anaïs, ça fait des mois. Anaïs, on l'avait découvert donc il y a 4 ans dans l'émission. Elle croquait les grands et tu croques toujours les grands. Toujours. Ouais. Il y a des nouvelles voix, j'imagine, dans le spectacle. Oui, le spectacle, il a changé à 80%. Car Anaïs, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est imitatrice. Ouais, ceux qui ne connaissent pas Anaïs, c'est vraiment qu'ils le font exprès parce qu'on t'a entendu sur Europe toute l'année dernière. Oui. Avec Marc-Antoine Lebray, ouais, on animait le tweet répondeur. Alors dans les nouvelles voix qu'on retrouve dans le spectacle, dis-nous un petit peu, il y en a plein, mais bon. Depuis 4 ans, il y a Marina Foy, ce que je ne faisais pas. Oui, c'est vrai. Il y a Cœur de Pirate, il y a... J'essaie en même temps de me souvenir si je la faisais ou pas. Les Rita et Mitsuko, non, je non, faisais tu les faisais déjà. Pas. Ah non, non, Rita, tu les faisais pas il y a 4 ans. Ah, ça commençait. Ah bon. Isabelle Mergaux. Ah oui, non, ça, il n'y avait pas. Oui. Nadine Morano. Ah oui. Marine Le Pen. Ah, oh là là. C'est pas la même. Eva Joly. C'est pas, Nadine Morano, Marine Le Pen, c'est deux personnes différentes. Oui. Ah, pardon. Oui. Autant pour moi. Docteur Jekyll. T'as appris un truc, hein. Autant pour moi. Et au tennis, ils jouent du même côté toutes les Moi, je me souvenais à l'époque, il y avait Catherine Froh. Oui, toujours. Vanessa Paradis. Ouais, toujours aussi. Elle a toujours son. Elle fait toujours VRP, Catherine Froh. Ah oui, mais en duo avec Roselyne Bachelot. Ah, ah oui, c'est le sketch qu'elle nous avait fait. Alors bon, tu vois, l'émission, elle n'a pas beaucoup changé depuis 4 ans. Il y a toujours des épreuves. C'est une épreuve, cette émission. Voilà, et la première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis, vous fermez deux équipes. Alors oui, parce que Philippe aussi fait une imitation de Pierre Bellemare. Toutes les semaines. Car oui, chers amis, vous fermez deux équipes. À ma gauche, donc l'équipe d'Anaïs, Fabrice, Fred, et on va mettre GG avec vous. Ah non. Bah si, quand même, que vous ayez une chance, peut-être. Ça veut dire que je vais jouer, ça. Une chance de perdre. Et face à vous, vous avez donc l'équipe de Bob, Maurice et Manu. Eh ben, on va perdre, alors, effectivement. Merci, Manu. Maurice a donné une bonne réponse l'autre jour. Oui, c'est vrai. En 4 ans, c'était la première. Manu, n'oublie pas que Bob est très mauvais perdant. Oui, non, mais je vais faire de mon mieux. Alors, une petite idée, Anaïs, pour le nom de notre équipe adverse. Bah, les écureuils, c'est mignon. Comme ça. Voilà, comme ça, je me rattrape des taupes. Mais normalement, les écureuils, c'est... Ils doivent plus beaucoup monter aux arbres, les écureuils. Je crois que c'est la première fois qu'on a un nom d'équipe aussi soft. Hein. Ouais, par contre, vrai. Pour nous casser les noix. Festival. Alors, Bob, pour l'équipe d'Anaïs. J'ai pas beaucoup d'idées. Manu, t'as une idée pour le... Faites très attention à ce que vous allez dire. Les écureuils, pour nous, c'est ça. Hein. Oui, on peut les appeler les noisettes, hein, ça va avec. Ouais, comme ça, on va les manger, comme ça. Les noisettes. On va les bouffer. Ouais. Les noisettes. Alors, les noisettes face aux écureuils. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais dans l'émission, Anaïs nous fera quelques petites imitations, évidemment. Et puis, elle va participer au flash très spécial de Fred. Oh là là. Comme ça, tu sauras ce que j'en dis. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Philippe dit elle va participer au flash très spécial de Fred. Oui. C'est quoi la langue dont tu parles, Bob ? Bonjour. Ça ressemble au français. Moi, voilà. Pas comprendre. Tu vas pas tout comprendre. Donc, il y a une première question. Pour un premier point, oui. Pour marquer un premier point dans cette émission, il y a des nouveaux mots qui arrivent dans le dictionnaire tous les ans. Si tu as la réponse, tu vas, tu le dis. Alors, en 2009, un nouveau mot est arrivé dans le Petit Robert. C'était le brise-bise. Qu'est-ce qu'un brise-bise ? Un brise-bise ? C'est un bateau ? Non. Non, c'est un truc qu'on se lance, là. Comment ? Un brise-bise. Ces draps ou ces trucs en bambou qu'on met pour se protéger du vent. Où ? Sur la plage, par exemple. Aux fenêtres ? Ou dans des jardins ? Non. Non, c'est... Mais c'est alors, c'est, vous n'êtes pas loin de... GG est pas loin et dans le bon registre. Hein. Donc, c'est quelque chose pour arrêter le vent. Oui. C'est un vêtement ? Un coupe-vent ? Non. J'ai fait des études de français, quand même. Moi. Catherine Fro, vous qui êtes très... Vous bricolez, quand même, à ce que je sais. Oh, bah oui, mais alors, moi, un brise-bise, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai jamais utilisé. Hein. Ça ne me dit rien. Mais GG est pas loin hein, avec son idée là. C'est sur les pistes d'atterrissage ? Non. Alors cherchez où est-ce que c'est. C'est, sur la plage. C'est dans la maison ? Dans la maison. Dans la maison ? C'est pas un rideau, c'est une sorte de rideau. C'est pour se protéger, non ? C'est un volet. Des stores. C'est ce qu'on met devant les portes. Une moustiquaire. Un paravent, un truc. C'est ce qu'on met où ? Le boudin qu'on met en bas de la porte. Dans le bas des portes. Le boudin, le chien qu'on met en bas des portes. Le truc qu'on met en bas des portes, ça s'appelle un brise-bise. Ah, un teckel. Donc c'est l'équipe d'Anaïs qui marque le point, largement aidée par Maurice. Exactement. Vous avez vu comment il fait ? Oui. Fred, il attend qu'on donne les infos et après voilà, tac. Moi j'avais un teckel, on le mettait devant la porte. Ça marche aussi. Mais depuis il est mort, tu mets ta femme maintenant. On va être embêté avec la SPA encore. Ah, pardon. Alors dans l'émission... Attendez, tu sais que la SPA, on a un procès par semaine de la SPA parce que tu parles à l'antenne. Oui, oui. Alors, dans l'émission, tu sais, alors depuis que tu es venu, Maurice collectionne des blagues fétiches qu'il connaît par déjà cœur. Ah, par cœur. Oui. Donc, on appelle ça la roulette russe. Il n'a pas besoin de ses fiches. On te donne les mots, un mot qui correspond à une blague de Maurice. Tu dis stop quand tu veux. Et Maurice, automatiquement, instantanément, sans ses notes, te raconte cette fameuse blague. Il va te raconter la blague. Il va te raconter la bague. Voici la roulette russe. Poussin, Maya l'abeille. Perchiste, zébu, souris, skieur juif, Star Wars, sexe shop. Stop. Bon, on n'a pas entendu sur quoi elle s'est arrêtée. Sexe shop. Elle va participer avec moi en plus. Ah bah alors oui, alors ah oui, c'est une bonne idée, très bon choix Anaïs. Mais alors, je propose que la blague du sexe shop se fasse juste après la pause. Voilà. Parce que je suis sûr qu'Anaïs aura plusieurs personnalités pour tenir ce sex shop. On t'explique ça pendant la pause. On se retrouve juste après. Retourne, on va se marrer avec Anaïs Petit. Ouais. Anaïs qui croque les grands. Tous les jours pairs, à 20h10, au Théâtre de l'Observance, pendant tout le Festival d'Avignon. AnaïsPetit.com. Ah bah voilà, ah bah alors, quand même voilà. Oui, parce que sur son site internet, il y a plein d'infos. Il y a les infos des dates que tu fais hors en Paris, tournée, ouais, ça c'est important. Et puis on te retrouve, il y a des petits extraits, plein ouais, de petites choses. Vidéos. Moi j'ai vu, alors il y a un truc qui m'a sauté un petit peu aux yeux dans ton CV, j'ai vu que tu as même été participé au Théâtre des Deux Ânes. Ah oui, j'ai fait quelques fois la revue de presse, ouais. C'est Jacques Maillot qui m'avait vu dans un festival et on a même fait, comment ça s'appelait, le bagnet de crabe. C'était sur Liliane Bettencourt avec oui, Pierre oui. Douglas, tout ça. Mais ça marche toujours autant, hein, le bah ouais, oui. Ah ouais, ouais. Comme ça, c'est plein tout le temps, c'est fou, c'est incroyable. Mm. Tu vas pas pouvoir y aller, toi. Comment ? Pourquoi ? Bah non, la scène est trop petite pour moi. Oh, il est vache avec ce pauvre Fred. Il compte pas faire des travaux. Bon, alors Anaïs, on a promis aux auditeurs avant la pause le fameux sketch du sex shop que les auditeurs connaissent bien. Oui. Donc tu choisis les voix que tu veux, hein, bien sûr. Hein. Donc Anaïs est donc la tenancière du sex shop et Maurice interprète son rôle fétiche de Morissette. Le sketch du sex shop. Fred, ouais. J'ai vu qu'il y avait un nouveau magasin au coin de la rue. Je vais aller faire le rap, faire ton marché. Putain. Ouais, bah c'est ça, casse, ouais. Ting, ting. Bonjour, madame. Comment ça va? Bonjour. Okay. Alors, moi, c'est Roselyne. Ah, bonjour, Roselyne. Vous êtes nouvelle dans le quartier? Oui. Tout à fait, c'est moi qui viens d'ouvrir ce magasin. Bah, je suis contente de vous connaître, hein, monsieur. Ah, c'est le magasin du plaisir. Tout à fait. Et on trouve tout chez vous? Ah oui, absolument tout. Vous pouvez me demander n'importe quoi. Hein. Les lubrifiants, tout ça. Oui. D'accord. Parce que, vous savez, ça, là, je suis jeune marié, mon mari a été... Ça serait... Oh là là. Mais qui vous a marié? Bon, remarque, il n'y a pas d'ange. C'est pas bon, bref. Et mon mari est un fanatique des Gone Michel. Oh. Alors, bien sûr, il en a cassé plus d'un. Parce que c'était pas toujours de la bonne qualité à l'étranger, vous savez. Alors, qu'est-ce que vous avez en rayon? Oh, bah alors, j'ai celui-ci. Hein. Oh, celui-ci, il est trop petit. Bon, d'accord. On va passer à deux tailles au-dessus. Hein, voilà, j'ai un modèle plus gros, il s'appelle l'éléphant. Oh, ah. Je pense que celui-là, ça devrait aller. Il va être heureux, là. Ah, bah, oui, hein, je pense aussi. Hein. Personne n'a jamais porté de réclamation. Et en couleur, qu'est-ce que vous avez en couleur? Oh, bah alors, il y a le black, il y a le rose. Ah, c'est le black dans le noir. On va pas... Ah bah pourquoi il est noir votre mari? Parce que le black dans le noir, non, bon, j'ai vraiment le compris alors. Non, il est pas noir. Mais ça, on cherche plutôt un truc attrayant qui s'allume et tout. Ah bah du rose alors, le rose c'est mignon. Bon, et oui. Ça s'allume, c'est phosphorescent. Oh bah non, hein, celui-là, ça sortira à Noël, hein, celui avec les guirlandes et tout, là je le prends encore. Je repasserai à Noël quand même. Et c'est tout ce que vous avez, ça, sur les étagères, là? Oui, voilà, tout à fait. Tout ça, c'est notre collection. Et celui que vous avez... Je vois que votre boutique vient juste d'être installée. Vous avez oublié de mettre celui qui est sous l'étagère. Ah oh bah, où ça? Au coin de là, au coin. Le gros qui est en dessous de l'étagère. Oh le oui gros rouge, là. Mais monsieur, c'est pas un sextoy, ça, je peux pas vous le vendre. Pourquoi? Parce que l'extincteur. Ah, ça plairait à mon mari. Voilà. On ne t'aura donc épargné rien du tout dans cette émission, Anaïs. Mais c'est bien parce que tu pourras le mettre sur ton site internet. Ah le oui. C'est vendeur, hein, c'est vendeur. Pas sûr. Bon, mais oui. Tu sais que Maurice aussi a fait du cabaret. Ah bon? Au théâtre des Deux Dindes. Oh. Pas la main au panier? Non, mais moi j'ai commencé là-bas, c'est pour ça. Non, la dernière fois qu'il a essayé, il s'est fait embarquer par les flics. Bon, alors j'ai une petite question encore pour un point à vous poser, à vous tous, à deux équipes. Qu'est-ce qui mange environ 70 grammes de chenilles, de vers de terre, de mille pattes et d'escargots Maurice, par jour? Maurice, c'est Fred. Maurice, c'est Fred. Qu'est-ce que tu dis? Un Vietnamien. Pas un participant à Koh Lanta. Non. Ah, un Vietnamien. Non. C'est un être vivant? Oui. C'est une chaise. Non, c'est une chaise. Non, c'est juste un zombie. C'est un animal ou un être humain? Un être vivant, oui. Alors, des chenilles, oui. Des limaces? C'est un animal. Tu répètes le menu? Alors, il mange tous les jours environ 70 grammes de chenilles, de vers de terre, de mille pattes et d'escargots. Un fourmilier. Un fourmilier. Non. Il y en a pas. Un serpent. Il y en a plein en France. Il y en a plein en France? Oui. Un hérisson. Oui, un hérisson. Ah, attends, ça fait une heure que je te l'ai dit, le hérisson. Bonne réponse, GG. Tu as qu'à articuler, Bob. Ah non, j'ai dit trois fois. Un hérisson. T'as dit un hérisson? J'ai dit un hérisson. On réécoute la bande. Oh, les vilains. Ouais, oui, on écoute, oui. Bah non, tu l'as pas dit. Écoute, on vient réécouter, t'as rien dit du tout, Bob. T'es vraiment un escroc. Hein. Mais quel bandit, ce Bob. Vraiment, c'est incroyable. Bon, on va voir si on arrive à faire mieux. On va voir si on arrive à faire mieux que Maurice et Anaïs. Oui, parce que juste après cette courte pause, ça sera la première tournée de blagues. Donc, préparez les blagues. On revient avec Anaïs Petit. Oui. Retourne, on va se marrer avec Anaïs Petit. Ouais. Et Frédéric Koster, qui, bien entendu, au moment où on prend l'antenne, rouvre son 7e coca depuis l'émission. Il s'en passe des choses, hein. Oui. Il faut ça au moins. Oui, oui. Spectacle que tu as coécrit. Oui. Avec quelqu'un qui est peut-être déjà venu ici, oui. Guillaume Meurice. C'est pour ça que je te pose la question. Entre autres. Et oh puis... non, pas Guillaume Meurice, ça suffit, on va pas lui faire sa pub. Pourquoi parce qu'il revient. On l'adore. Il est déjà venu plusieurs fois. Un copain. Il a fait l'ouverture de la saison l'an dernier. De la saison 2 Et tu avais un autre co-auteur. Oui, et James Snow aussi. D'accord. Et donc c'est un spectacle où tu imagines d'ailleurs des personnages dans des situations assez cocasses. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de les imaginer dans des choses complètement inattendues. Et puis d'élaborer des exemples, des histoires avec... Par exemple François Hollande avec des résultats. C'est intéressant ça. Non, j'imagine par exemple un monde parallèle où on aurait Marine Le Pen qui serait Miss Météo ou Carla Bruni serait caissière chez Franprix. Ça va pas tarder. Et alors, en plus maintenant, donc c'est nouveau dans le spectacle, tu t'accompagnes au piano ? Ouais, depuis 4 ans, ça je ne faisais pas encore il y a 4 ans, et effectivement, ouais. Depuis, il y a beaucoup de choses au piano, donc je chante en même temps. C'est des parodies la plupart du D'accord. temps. D'accord. Et donc le public peut réagir, participer un petit peu, te renvoie un petit peu la balle de temps en temps ? Ouais, alors ça dépend des sketchs. Si c'est vraiment un sketch où je suis dans la situation, où c'est un peu dur, mais il y a des sketchs où je pose des questions au public, effectivement, et du coup, selon les réponses, je peux improviser un peu. Ouais. Et ça, c'est très important, parce que moi, pendant mes spectacles, le public réagit. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, ils s'en vont les tomates. Ce Fatal Action. Eh bien, on va pouvoir lancer la première tournée de blagues. Ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Et on commence avec Fabrice. Alors tout le monde se barre parce qu'en fait il est en train de se bourrer de chips. Oh, bah, non. Bah oui, parce que normalement ça commence de l'autre côté. J'ai fait exprès. Alors connaissez-vous l'histoire du chauffeur d'autobus ? Ah non ? Oui. Bah moi non plus, j'étais à l'arrière. Oh là là. Bon bah tu peux reprendre les chips. Une petite mignonne de GG. Une petite alors. Mais très mignonne hein. Savez-vous la différence entre un meurtrier et un homme qui vient de baiser sa bonne femme ? Oh non, j'aime bien le vocabulaire. Vous savez pas ? Ben, il n'y en a pas, évidemment. Oui. Ah. Ils ne savent pas comment se débarrasser du corps. Oh. Oh. C'est frais. Oui, c'est très frais. Manu. C'est un plombier de 28 ans qui vient de mourir et il arrive au paradis. Et la mort l'accueille en lui disant mais bienvenue. Mais, c'est la mort qui accueille maintenant. Oui, c'est la mort. La mort, c'est Saint-Pierre. Non, la mort directement parce qu'il n'a pas dû être sage. Et il dit mais pourquoi tu m'as fait mourir si jeune, j'ai 28 ans. Et je dis je comprends pas, d'après tes factures, on a comptabilisé tes heures, t'as au moins 70 ans. La blague de Maurice, sponsor, s'il vous plaît. France Alzheimer présente la blague de Maurice. Enfin. La blague est finie, là, non ? Vous avez qu'à mettre le son, moi je sais pas quand ça marche. Une jeune fille dit à son père, « Papa, je n'ai pas compris, mon copain m'a dit que j'avais un joli châssis, deux beaux amortisseurs, un magnifique pare-choc. » Le père répond à sa fille, « Dis-lui bien, tu auras... » Oh là là. Attends devant Anaïs quand même. Attends, la refait. Je dis sponsor. La blague de Maurice vous est présentée par la Cotorep. Cotorep, faisons bouger le handicap. Merci. Alors, chère Anaïs. C'est à tout le monde. quand même, elle se déplace pour toi. Et tu ouais. Allez, alors. C'est pour toi, ma chérie. Voilà. Alors. Une jeune fille dit à son père... « Papa, je n'ai pas compris, mon copain m'a dit que j'avais un joli châssis, deux beaux amortisseurs et un magnifique pare-choc. Virgule. Le père dit, eh bien, tu diras à ton copain que si il ouvre le moteur et qu'il met de l'huile, je lui éclate son pot d'échappement. Point. Oh, bravo. Un jour, il faudra qu'on filme cette émission. Oui. Pour que les auditeurs voient l'air satisfait de Maurice quand il arrive à finir. Ah oui, c'est vrai. Alors, la blague surtout de... quand elle est pas drôle. La blague de Bob. Une information vient de tomber. Bob s'apprêterait à raconter une histoire drôle. Notre reporter sur place. Cher Anaïs, comment on appelle un homme qui tue un autre homme? Je sais pas. C'est un homicide. Un homme qui tue son père. Un parricide. Un homme qui tue son frère. Un fratricide. Un homme qui tue son beau-frère. Un insecticide, parce qu'il tue l'époux de sa sœur. Ah. Ah ben non, finalement, faux salaire. Non, elle est pas mal quand même. Ah non, elle est pas mal. Ah non, elle est pas mal. Quand on comprend. Mais il n'y a personne qui a compris. Tu lui dois du Merci, pognon, quoi. Merci, Gégé. Tu lui dois du pognon, quoi. Non, pas du tout. Alors, c'est un mec qui est assis au bar d'un restaurant. Il attend qu'une table se libère et puis il remarque une très jolie jeune femme, elle aussi, assise au bar en train de prendre un apéro. Alors, le mec vient me voir. Dis donc, ça va vous paraître un peu abrupt, mais est-ce que par hasard, vous accepteriez de dîner avec moi? Une femme se lève, elle a l'air très étonnée et puis pas du tout contente. Elle se met à crier « Quoi ? Quoi ? Vous accompagnez chez vous ? Mais pour qui me prenez-vous, espèce d'obsédé ?» Voilà. Le mec, il est quand même assez vexé, il retourne à son fauteuil. Il est complètement barjot, cette bonne femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 5 minutes plus tard, la femme quitte son siège de bar et elle rejoint le mec à sa table. Écoutez, je suis terriblement désolé pour la scène de tout à l'heure, je dois vous expliquer. Je suis en licence de psychologie et nous étudions en ce moment les réactions des gens lorsqu'on fait une réponse surprenante. Alors j'ai tous mes élèves dans la salle, vous comprenez, donc du coup ça permet d'étudier ça. Le mec, il entend ça, puis il se lève d'un seul coup, il fait « Quoi ? 250 euros pour une pipe ? Va te faire foutre, connasse !» Ah là là. Vas-y, enchaîne. Alors, qu'est-ce qui est tout noir, tout crépu et qui est accroché au lustre? Oh non. On ne sait pas. Une blonde électricienne. Alors, la blague d'Anaïs Petit. Alors, est-ce que vous savez comment les hommes préhistoriques faisaient pour se réchauffer autrefois? Bien sûr, j'étais né. Ouais, alors... Ils se tapaient dans les mains? Non, alors il y en avait un qui se mettait au milieu, et puis les autres couraient tout autour, en fait, et celui du milieu, bah, c'était le sauvage central. Elle est bien. Elle est dans le niveau, c'est bien. Ouais, j'essaie de mettre au niveau. Ils ont réinventé ça à Madagascar il y a pas longtemps. Oh non, c'est pas possible. Non, c'est je crois qu'Anaïs a commencé soft parce qu'elle m'a dit mes blagues d'après sont trash. Ah mince. On va voir ça. Oui. C'est pas le genre de l'émis. Bon, alors on l'a vu tout à l'heure avec la blague de Maurice qui avait quelques difficultés de prononciation, et pourtant, je dois vous dire, vraiment dans l'émission, c'est la première fois qu'il a du mal à prononcer une blague. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Où ? On ne sait pas où. Ah ben le téléphone sonne chez un résistant anglais qui s'appelle Serge. Ah, oui. C'est important. Serge. Allô, suis-je bien chez ce... Oh là, Josie, c'est une coquine. Hein. C'est une salope aussi. Oh non, n'insulte pas les auditeurs. Alors, suis-je bien chez ce cher-cher? Ce cher-cherge. Ce cher-cherge. Et on les a perdus, les deux, là. Non, mais il est passé, là, c'est passé. Alors, vas-y, continue. C'est pas possible. Oui, bah pourquoi? Alors, allez, je vais continue. Vous dire, Maurice ne fait pas exprès, mais ceux qui écrivent les histoires, eux, oui. Ouais. Alors, ils ont du temps en plus. Dis-moi, oui, c'est lui-même. Ah. Dis-moi, Serge, pourquoi les alliés ne se désolariseraient pas de son combat, de notre combat? Oh, c'est con, ça. Ah oui, c'est con. Cool. Non, mais là, c'est... Alors, Dis-moi, Serge, pourquoi les Alliés ne se désolidariseraient-ils pas de notre combat? Voilà, c'est là, là au moins c'est clair. Oui. Ta gueule. Non, c'est pas dans la blague, ça. Serge est étonné de cette demande et répond à son interlocuteur. Ah. Qui es-tu? Donne-moi le code. Et l'autre répond. Sais-je, Jacinthe, sèche dans sèche sachet sec. Bravo, oh, bravo, bravo. J'ai pas compris la blague. Ça c'est mieux fini. On dirait. Bah, il pourrait la refaire. On dirait un discours de Beyrouth. Mais là vous le faites. C'est incompréhensible. Bon alors attention parce que il va être l'heure bientôt de des informations sur cette antenne. Oh là là. Donc juste après cette courte pause, nous avons un flash. Après cette quoi? Courte pause. Cette courte pause. Oui. Oui. Un flash très spécial. Restez avec nous. On revient avec Anaïs Petit. Oui. Ouais. Retour, on va se marrer avec Anaïs Petit. Ouais, ouais. Avec plein de nouvelles voix dans son spectacle, Anaïs croque les grands. Alors, pour Anaïs, qu'elle puisse le mettre sur son site internet, un peu de promo avec le pitch du spectacle, Maurice. À croque les grands. Oui. Ah, si, à croque les grands, alors. Oui. Alors fais-le avec la voix quand même de ce... À croque les grands. Oui. La jeune imitatrice révélée sur Europe 1 et dans un Vivement Dimanche sur France 2 nous offre un véritable show et s'enchaîne sketch, satirique, parodique, musical et caricature corrosive. Il n'y a pas de virgule. Bon. Non. Avec ça, ce n'est pas la ponctuation. Ça, t'es sûr qu'il y aura du monde. Donc, Anaïs, tu nous offres un spectacle. Oui. Hein. La seule virgule, il l'a dans Slip. Hein. Mais vous êtes dans la même... Ah non, vous n'êtes pas dans la même équipe cette semaine. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, attention. Là, je sais que vous l'attendez avec impatience. Excuse-moi, mais c'est plus une virgule, c'est un point d'exclamation. Mais laissez-le tranquille, il mange ses chips. Ou plutôt de suspension à son âge. Maurice, qu'est-ce que t'attends à cette heure-là? Le métro. Le quoi? Bah, la formation, le flash très spécial. Le flash, bah, bien sûr. Nous recevons ce soir Ségolène Royal. Bonsoir Madame Royal. Bonsoir à tous. Et son ex. Bonsoir. Pardonnez-moi, mais vous annoncez la présence de mon ex. Mais lequel? Je ne connais pas cet individu. Mais enfin, Bouboule. Enfin, Bouboule, c'est moi, c'est ton bibou. C'est bien ce que je craignais. Vous avez ressorti le député de la première circonscription de Corrèze. Bon, enfin, depuis, il a quand même gravi des échelons. Hein. Ah bah oui, Bouboule. Bah, il a peut-être gravi les échelons, mais sa cote de popularité est inversement proportionnelle à son ascension politique. Oh, bah Poupoule, t'es pas gentille, hein. Cessez, monsieur, de m'appeler Poupoule. Ce n'est pas parce que je me suis fait plumer aux dernières élections à La Rochelle qu'il faut m'affubler d'un tel sobriquet. Et arrêtez de baver comme ça, on dirait Marc Dutroux à la sortie d'une école maternelle. C'est pas moi qui ai écrit le texte. T'inquiète, on le précise à la fin. Nous avons on vous a réunis sur ce plateau pour connaître vos relations depuis votre séparation. Mais quelle séparation? C'est une blague? C'est surprise, surprise? On n'a jamais été ensemble. Moi, je ne m'intéresse pas au passé. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est Valls. Oh, le beau Danube bleu qui terrorise les Roms. Ah non, pas mal ça, Poupoule. Moi, je sais danser le hula hoop. Amrou Manoff, bonsoir. Bonsoir à tous. Il paraît que France 2 envisage de supprimer l'émission de Sophia Aram et de reprogrammer votre émission à la place. Ah bah c'est une excellente idée. Ils peuvent la reprogrammer. De toute façon, il y avait tellement peu de monde qui l'a regardé lors des premières diffusions, personne s'en souviendra. Je pensais pas à l'ardive de votre ancienne émission, mais plutôt à la production d'une nouvelle. Ah, c'est pas bête. Comme ça, vous pourrez dire, vous les journalistes, Sophia, elle rame, et Roumanoff, elle coule. Ah, nous accueillons maintenant l'ancien inculpé, Nicolas Sarkozy, et son épouse. Oui, bonjour. Merci pour ce lancement très sympathique, monsieur Bello. Hein. Effectivement, je suis totalement blanchi. Ah. Ça va faire plaisir aux électeurs du Front National. Maintenant, je suis blanc comme neige. Alors, je suis bien content. Imaginez, si j'avais été condamné, il aurait fallu que je refile les valises Samsonite que m'avait refilé la vieille et on s'en sert pour les costumes de la tournée de Carlita. Ah, ben justement, il paraît que vous accompagnez Carla pour la promo de sa tournée. Non, mais pas du tout, vous avez rien compris, Bello. Vous êtes un imbécile ou quoi? C'est elle qui m'accompagne pour la promo de mon retour fracassant sur la scène politique. Hein, tout le monde s'en fiche des chansons de Carlita. Par contre, tout le monde y va venir au concert pour le retour du Jedi. Hein, pour l'Empire contre-attaque, avec ma copine Morano pour l'attaque des clowns. Mais méfiez-vous, enfin, méfiez-vous quand même de la menace fantôme. Oui, voyez-vous, n'est-ce pas? C'est moi, la menace fantôme. Mais enfin, Marine Le Pen, on vous a pas invité. Ben, j'ai bien compris. Tous les médias sont corrompus par l'État UMPS. Vous êtes tous d'affreux gauchistes à la botte de Mélenchon, achetés chez Bata. Et c'est ça qui me rassure. Ses bottes viennent de Bata et lui, il sera battu. Oh bon. Ça fait peur. Bon alors, un peu de tendresse et de calme avec un extrait du spectacle de Carla. Vas-y, ma petite Carlita, pousse la chansonnette. On me dit que ma vie est une série rose, mais moi dans la vraie vie, j'attrape des mycoses. Si pour moi politique rime avec libido, ce que je viens d'Italie, le pays de Silvio. Depuis monsieur Bling Bling, ma côte est au point mort, c'est grâce à mon lifting que je souris encore. Une photo est mort. Je fais le deuxième couplet. Oh bah oui. Je suis accro au pouvoir, ça me met sur les genoux. J'en profite pour ouvrir ma grosse bouche de mes roues. Je veux bien être Faust Flamby, ça me changera du nain. Flamby, ça me fait pas peur, j'ai avalé plus mou. Oui, mais je vous ai pas dit. Je veux, dans mon lit, un homme fort. Je n'accepte Sarkozy qu'avec ses gardes du corps. Sécurité d'abord. Bravo. Alors Anaïs, rassure-toi. Oui. Je précise à chaque fois que les textes de ce flash très spécial, excepté la chanson de Carla Bruni, sont de l'immonde Philippe Bello. Excellent, oui. Très bien, merci. Ah oui. C'était très beau. Bah, c'était surtout les interprètes. On applaudit Anaïs quand, oui, Anaïs quand même. Qui a découvert le texte aujourd'hui. Oui. C'est bien interprété. Excellent. Ah non, mais la Marine Le Pen, ça fait peur. Ah, punaise. J'ai failli sortir carrément. Alors. J'ai failli ressortir l'uniforme. Mon général, dans quelques instants. Oui. Je vais tirer au hasard. Bon, ça fait des années que tu tires au hasard, mon pauvre. Deux cartes dans le boîtier du trivial. C'est l'épreuve du trivial. Ah. Donc, restez avec nous. On revient avec Anaïs Petit. Retour dans Basse-Marais avec Anaïs Petit. Ouais. Mais alors Anaïs, ça t'est venu comment l'envie comme ça de faire des imitations? Il y a bien eu un déclencheur, quelque chose, non? Bah, l'envie d'en faire mon métier, c'est le déclencheur, ça a été de faire une scène ouverte et puis que bah, ça fonctionne, que les gens rient et viennent me demander à la fin où je jouais. Comme je ne jouais nulle part, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être continuer à écrire et à faire de la scène. Mais sinon, non, depuis toute petite, je sais pas, j'imitais les profs, ouais, j'imitais Laurent Gérard qui imitait Céline Dion. Et ouais, ça faisait rire les copains, quoi. Mais est-ce que tu te souviens de ta première imitation, justement, sur une scène ouverte? C'était qui ton personnage, ton premier personnage? Sur une scène ouverte, bah, j'ai commencé, ouais, bah, si c'était au field, j'avais fait Vanessa Paradis. Eh ben, elle est là. Véronique Sanson. Vanessa, attends, tu l'as jamais entendu non, dans non, Vanessa. Non, Vanessa, non. Merci d'être venue nous voir ce soir, quand même. Ah bah, merci à vous de m'accueillir. Ah, c'est bluffant. Ah ouais, c'est bluffant. Ouais. Et oui. Ce nouvel album, ça se passe bien? Oui. Ah oui, celui qui vient de sortir, d'accord. Oui. Écrit avec Benjamin Biolay, l'ex de Carla. Oui, ça se passe. Il aime que les chanteuses à voix. Voilà. Pour pas qu'on lui casse les oreilles. Ouais, Vanessa, et puis tu nous disais qui? Véronique Sanson, je t'ai jamais entendu, Véronique. Oui, alors je la fais au piano, donc là, bon, si je la fais à cappella, ça va peut-être vous faire mal aux oreilles. Mais... Tu veux boire un coup, non? Ah oui, bah, justement. Alors, faut quand même rappeler que Véronique Sanson a écrit la chanson Rien que de l'eau. Oui, hein, ah oui. Voilà. Oui. Mais fais très attention, Anaïs, parce qu'à ta gauche, tu as un fan, inconditionnel de Véronique Sanson. Ah oui, alors je vais peut-être pas la faire. Non, parce que c'est Fred qui va prendre. Ah si, un petit coup de verrou quand même. Ouais, bon. Alors... Il y a tant de rhum et de rosé que je n'arrive plus à éponger. Le blanc, le rouge, je m'en irai dormir avec un verre de blanc. Bravo. Voilà. Voilà, Philippe. Ça, c'est quelqu'un qui fait vraiment de l'imitation. Voilà, mais toi, ça fait 20 ans qu'on te dit de faire des imitations. Mais je ne sais pas faire. Pendant la pause, j'ai tiré au hasard. Ah, bah oui, ça. Non, je l'ai fait tout à l'heure. Mais deux cartes dans le boîtier du trivial ici présent. 1991. Jeu truqué. Pas du tout. On va encore se faire avoir. Je suis côté de mes petits amis. Alors, deux cartes. Alors, tais-toi. Bah. Une carte par équipe, 6 questions par carte. C'est le but du jeu, c'est de répondre au plus grand nombre de questions pour marquer un maximum de points. Point. Anaïs, si vous connaissez la réponse sans vous consulter, car vous avez le droit de vous consulter avant de donner la réponse, dans ces cas-là, il faut dire, Maurice, cash. Cash, d'accord. Donnez la réponse et ça fait marquer 2 points à l'équipe. D'accord. 2 points. Si vous ne savez pas répondre, l'équipe adverse peut répondre à votre place et marquer 1 point. One point. Alors, je fais toujours choisir Bob qui est très mauvais joueur. On ici présent. Et Bob prend les 2 cartes carrément. Ouais. Bob, la 1 ou la 2? Aujourd'hui, on va prendre la 2. Celle-ci. La 3, yes. La 3. Celle-ci. Ah bah tiens, on va commencer par vous, comme ça vous direz pas qu'il y a de triche. On va commencer par leur équipe, l'équipe des écureuils, puisqu'ils sont menés pour l'instant. Voici votre carte. Donc si eux ne savent pas répondre, par contre après vous pouvez répondre à leur place. Bob, t'es prêt? Allez. Non. Tant pis. Lequel des deux frères Révelli a marqué le plus de buts en championnat de France de football? Sport d'abruti. C'est l'aîné. Bravo! Mais c'est bon ça! Ouais, c'est bon! Mais on veut le prénom! Ah non, Maurice, n'essaye pas de tricher, on veut le prénom alors! Alors, j'en connais qu'un! C'est Willy? C'est très bien! C'est vieux, c'est les années 70. Attendez, c'est eux! Hein, c'est eux. Alors pour l'instant, moi je vais te dire, je ne connais même pas ces deux frangins! Mais non, mais c'est les années 70, les frères! Bob, Bob! Ah, pas, moi je connais pas! Donc vous ne savez pas? On ne sait pas, non! Alors pour vous, les noisettes? Moi j'en connais qu'un, c'est Hervé. Eh bien c'est correct. Ouais, applaudissez. Mais applaudissez non, là. Non. La, le pardon, top, excusez-moi. T'as couché. Dans... Ça fait 1 point. Hein. Ouais, 1 point pour eux. Hein. Ouais. Dans quelle pièce de Jules Romain un personnage demande-t-il est-ce que ça vous chatouille ou est-ce cash. Que ça vous gratouille? Cash. Pas nous. Ah, alors attention, cash, qui fait cash? Je fais cash. Oh, ben, on est plusieurs à faire cash, oui. Mais est-ce que tu ne laisses pas Maurice? Non, vas-y. Non, on va le garder. Attends, le docteur Knock. Tu vas éclater. 2 points pour l'équipe, grâce à Bob. Ben, le docteur Knock, il aurait pu le laisser à Maurice. Quand même. Oui, mais Maurice n'était pas Maurice. Sûr. T'étais sûr, Doc Knock? Quel immeuble? Tu vois? Quel immeuble? Là, vous allez le laisser à Maurice quand même, soyez sympa. Quel immeuble fut cambriolé lors du scandale du Watergate? Cash, Maurice. On a l'invité qui lève les mains et tout. On se consulte? Non. Tu veux dire cash? Ah, c'est fait, vous êtes confronté. Bah, cash ou pas cash, Maurice? Vas-y, Bob. Cash, Maurice. Bob, il faut que tu... T'as dit cash, Maurice. Bob. T'as dit cash, Maurice. Je connais la réponse. Tu peux... non, monsieur du club, il faut bien avoir conscience que quand tu leur demandes est-ce qu'on se consulte, tu les consultes. Pas du tout. Si, si. Alors, la réponse... Il a dit cash, je sais pas. Maurice, t'as dit cash? C'est l'immeuble, tu veux? Oui, oui, oui, oui. Elle est con, cette question. À mon avis, il n'y aura qu'un point, là. Même son y arrive. C'est Watergate, hein. L'immeuble. Ouais. T'es sûr? Ouais, mais... Moi, j'y crois pas, mais bon. Non. Mais c'est tout ce que j'ai en tête. Eh ben, Watergate, alors. Watergate. Oui, c'est correct. Oh, et c'était quoi? Et c'est quoi, le Watergate? Bah, c'est un gate d'eau. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Bon, alors là, ils vont faire cash. Bah, Maurice va faire cash. Comment s'appelle l'adjoint du commissaire Bourrel dans les 5 dernières minutes? Je vous fais... Non, mais c'est con parce que Maurice, lui, regardait que les 5 premières. Je vous fais plusieurs propositions. Ah oui. Ah. En l'occurrence, 4. Ah, quand même. Ménardo. Je peux vous dire cash sans que tu me le... Non, mais attends, mais c'est pas ton c'est équipe. Pas toi. Alors, oui, oui, Ménardo, toi. Cabrel, Dupuis ou Chombier? Cash, je dirais Dupuis. Non, mais ça, c'est pas cash, hein. Pourquoi c'est pas cash? Pourquoi c'est pas cash? Ils se... Vous êtes regardés comme... Ah non, rien du tout. Non, ils se sont pas consultés. Non. Alors Maurice a dit cash. Il a dit Dupuis, c'est pas ça. Ouais. Dupuis, ça fait 2 points. Ah, oui. Bravo. Bravo Maurice. Mais Ménardo, enfin, c'était... tu les as vachement aidés quand même. Hein. Ménardo, ouais. C'était aussi dans les 5 dernières minutes, mais c'était plus tard. C'était pas l'époque, la c'est à l'époque de Jacques de Barry. Et l'autre, c'était une autre émission. Quel moyen de locomotion cher à PPDA et à Alain Duhamel, cash. N'est plus fabriqué, n'est plus fabriqué depuis 1988. Oh là là, alors ça. Cash. Oui. Le Solex. 2 points. Bravo Manu. Voilà, bravo, ouais. Manu. Bravo voilà. Manu. Manu, tu peux ranger cette tablette numérique. Non mais il n'y a rien dessus. Et enfin. Là, c'est pour Maurice. Encore. Quelle marque allemande de disques a offert un morceau du mur de Berlin pour l'achat de la 9e de Beethoven? Pourquoi tu prends l'accent turc? Qu'est-ce qu'on mange ailleurs? En allemand, j'ai pas compris la question. Mais quelle marque allemande? Je vous demande une marque allemande de disques. Ah, oui. Qui a offert, qui a offert un morceau du mur de Berlin. Le nom du label, tu vois. Voilà. Oui, c'est-à-dire que, il y en a qu'un. À un moment, ils ont distribué la 9e de Beethoven. Ah, okay, et avec le disque, il y avait un morceau du mur de Berlin. Putain, mais c'est quoi cette maison de disques? C'est un disque en très, béton, alors? Elle est très connue. Bah, je me doute qu'elle est connue. Oui, elle est connue, oui. Mais moi, je la connais pas. Maurice, non plus. On fait ensemble. Maurice au hasard. Personne ne sait. Oh, les Derman. Ils savent pas. Comment vous dites? Les Derman. Les Derman. Les Derman. La purée, celui-là. Cola. Alors vous avez la réponse ou pas? Oui, 3, 4. Deutsche Grammophon. Ah, point. C'est une bonne réponse. Ah, c'était. Ah, mais ils ont cherché loin le nom de. Le label Deutsche Grammophon. Un des plus grands labels de musique classique. Ouais, c'est le seul. Ouais. Bah, c'est pas mal. Ils s'en sont pas mal. Aujourd'hui, ils s'en sont pas mal sortis. D'ailleurs, je m'applaudis. D'ailleurs. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais arrêtez avec Sanson. Vous pouvez les applaudir. Alors là. Sanson. Et Véronique Sanson, pas mal sorti. Bon, alors, dans quelques instants, c'est votre carte. Oui, mais bon, on va se marrer. Tiens. Mais après une courte pause. Très courte dans pause. Dans quelques secondes. Restez avec nous. On revient avec Anaïs Petit. Ah oui. Retournons à se marrer avec Anaïs Petit. Ouais. Elle a bien fait de venir. Ah oui, elle a bien fait de venir. Et vous aussi, vous allez aller la voir tous les jours pairs à 20h10 au Théâtre de l'Observance pendant tout le Festival d'Avignon. Grâce à Anaïs, aujourd'hui, on peut presque se croire chez Ruquier parce que nous avons notre amie Isabelle Mergaux avec nous. Bonsoir. Ah non Isabelle, ça fait plaisir quand même. Ça fait longtemps. C'est longtemps qu'on aurait, on a entendu vous accueillir. Ah bah oui, moi aussi je suis contente d'être là. Hein. Oui. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Frédéric? Pourquoi tu t'éloignes? T'as peur que je te crache dessus? J'ai enlevé mes lunettes. Et alors, moins dynamique, mais très sympathique également, on a la joie d'avoir aussi Marina Foy. Ah. Bonjour. ça se voit pas du tout, mais je suis très contente d'être là ce soir. En plus, ce soir, vous avez de la chance, parce que ce soir, je pète la forme. Elles n'ont pas le même vécu, les deux. Hein. Bon, alors attention, là, ça ne rigole plus, Anaïs. Ah. C'est votre carte. Et on reste concentré, Bob. Et c'est comme tout à l'heure. On reste concentré. Top. Quel cycliste vainqueur du Tour de France était surnommé le cannibale? Cash. Hannibal Lecter. Ah, c'est pas moi, je sais. On se consulte. Allez, consultez-vous dans les micros. On va se consulter, oui. C'est ou en Cash. Dans ton micro. C'est Wangtil ou comment il s'appelait l'autre, Bobet, c'est ça? Louison Bobet. Ah, Louison Bobet, peut-être. Peut-être. Non, j'en sais rien. Je sais même pas qui c'est. Moi, le tennis, j'y connais rien. C'était des pédaleurs. Ah, j'ai eu peur. Ah, bah, tu te connais, alors. Bon, bah, on fait confiance non, à GG. Moi, quand alors. J'étais tout petit. Alors, l'un des deux. On fait confiance à GG, vas-y, donne la réponse. Louison Bobet? Non. Comment tu l'appelles? Le cannibale. Le cannibale, c'est plus proche que ça. Moi, je pensais à Merckx, hein, mais bon. Non, Merck, c'est le patron, non? Non, c'est Eddy. Oui, c'est Eddy aussi. Mais on va dire ça, parce qu'on ne sait pas quoi dire. Merckx, le belge. Je sors le stylo pour mettre un point. Ah, ce Manu, hein, c'est incroyable. Depuis qu'il est bien, a cette tablette numérique. J'ai bien fait de venir, moi. Tu reviens quand tu veux, Manu. Mais sans ta tablette numérique. Quand t'as besoin de la lime. Moi, quand je suis dans une équipe, il faut toujours des trucs de merde. Alors, GG, c'est pour toi. C'est spécialement pour toi. C'est pour toi. Quel adjectif est désormais associé à Marguerite Duras depuis son article sur l'affaire Grégory? Oh là là, ça me rappelle une histoire. Oh là là. Moi, je sais pas, parce que moi j'aimais bien cette femme de toute façon. L'affaire Grégory, d'ailleurs, vous savez qu'à l'issue de la... Oui, c'est le petit qui s'est fait assassiner. Mais il y a eu quand même une chute. Cash. Oui, il y a une chute. Cash. Alors Cash. Infanticide, mais oh, non, c'est pas, elle a dit, c'est pas un adjectif, ça. Non. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Alors, est-ce que vous savez, vous, l'adjectif associé à Marguerite Duras? Oui, c'est un article qu'elle avait écrit dans Libé. C'était le titre de l'article. Eh oui, c'est ça. Hein. Non, mais par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'issue de l'enquête, Gégé, tu ne le sais attention, peut-être pas. Attention, et on écoute. Voilà, on s'est rendu compte d'une chose sur le gamin, c'est que le sac était fermé de l'intérieur. Eh oui. Ah. S'il a fermé lui-même. Bravo. Excellent. Bravo. C'est une blague que Philippe fait depuis 30 ans. Oui, depuis l'affaire Grégory. Elle marche. Ça fait 30 non, ans. Avec hein. Le non, elle coule. Fermé de l'intérieur. Ça m'énerve. Attendez. Alors, que, il me faut cet adjectif. Ah, on a récupéré. Oui, ça y est. Maurice. Bob, on a la main. Non, mais ils ont donné leur réponse. Ah oui, mais toi maintenant. Alors, toi, ça y est, c'est revenu. Connard. Tu peux la dire. On a la main. Et moi, je sais pas, moi, il manquait un bras, deux bras. Pense à toi, ça te correspond. Un adjectif. Alors, un adjectif qui correspond. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un adjectif? Oui. Moi, c'est financiel. Aucune idée, moi. Moi non plus, j'ai aucune idée. Bon, si vous savez pas, vous pouvez pas trouver. T'as retrouvé, toi, Fred? C'est pas sublime? C'est sublime. Ah, oui, dommage. Jamais revenu, mais trop tard. Ah, oui. Dommage. Alors. Parce que le titre de l'article, c'était sublime, forcément sublime, ou un truc comme ça. Là, je pense que vous allez faire un cash. Comment les 4000 réfugiés voguant vers la Palestine en 1947, à bord du président Waldfield. Ouais. Enfin. Ce bateau, du bateau comme voilà. C'est marqué là. Donc, ce bateau était tellement nul qu'ils l'ont rebaptisé comment? Exodus. Cash. 2 points. Bien. À quel compositeur français doit-on les opéras suivants, Péléas et Mélisande et Le Martyr de Saint-Sébastien? Deutsch Grammophone. Deutsch Grammophone. Je connais aucun des deux. Oui, édité chez Deutsch Grammophone. Je connais aucun des deux. Péléa, c'est Mélisande. C'est quand même le plus connu. Même celui-là. Moi, je travaille pas dans un opéra, donc faut pas le savoir. Alors, vous trouvez ou pas ? Idée. Moi, j'en ai aucune idée. Non, c'est pas les très connus, hein, ça c'est vrai. Alors, un au hasard. Il a fait d'autres choses, ce garçon ? Ah oui, bien sûr. Vas-y, Anaïs. Mais commercial ou pas ? Faisons confiance à l'invité. Il faut dire quelque chose. Au pif. Attends, mais deux minutes quand même. Non, mais on n'a pas la nuit. Mais attendez. Quelqu'un qui soit sûr. Vas-y, dis Tino Rossi. Anaïs, elle joue à Paris quand même. Faut le temps qu'elle rentre après. Anaïs, je ramène Anaïs. Tino Rossi. Non. Bon, vas-y Anaïs. C'est pas Wagner, c'est comme... Non, français. Bah non, Wagner, il est français. Bah oui, Wagner, français. Oui, bon, français. Bizet. Non. Alors Maurice, me fais pas cette tête de truite. À quel compositeur français C'est Schubert. Schubert. Et il vous le fait d'habitude. Schubert. Oui. Schubert. C'est Schubert. Oui, c'était Debussy. Debussy. C'est pas français Schubert. Non. Mais non. C'est allemand. La Bob, il l'a dit français. Enfin, Bob vient de comprendre qu'il s'est fait enfler. Quel est l'appareil photo favori d'Henri Cartier-Bresson et William Klein ? Cash. C'est pas toi. Je sais. Moi, j'aurais dit le Leica. Le Leica. Oui, t'as raison. Ah bah on n'a pas entendu, il a rien dit. C'est un nom de chien. Non, il s'est concerté avec vous. Oui, parce que là, il y a à l'époque. En sol mineur. Non, mais je sais pas. C'est concerto. Kodak, c'était après. Oui, mais c'est une marque. Non, c'est connasse que tu dis d'habitude. On va jamais s'en sortir. Le Leica. C'est correct, un point. Ah, oui. Et enfin. Mais t'as vu les questions qu'on a, nous ? Alors attention, là, ça mérite un cash. Avant 1974. Oui. Quelle était. Très bonne année, 1974. C'est une citation de merde. Quel était l'âge légal de la majorité en France ? 21 ans, cash. 21 ans. 2 points, presque 4, parce que vous l'avez dit en même temps. Et bien sûr. Mais ils sont prêts à vous mettre 4 points sur un truc comme ça. Mais ils ont dit cash en même temps avec Anaïs. Oui, bien sûr. Moi, je vais voir Maurice, puis je vais lui mettre 1 point. Dans sa gueule. Alors. J'ai rien dit. Oui, bah justement, continue. Le temps que l'on fasse les totos, et on va pouvoir se retrouver dans quelques instants pour une nouvelle tournée de blagues, Anaïs. Reste avec nous, on revient avec Anaïs Petit. Retour, on va se marrer avec Anaïs Petit. Grâce à Anaïs, ce soir, on a eu plein d'invités dans l'émission. Ah hein. Oui, j'adore, c'est incroyable, j'adore. Hein, ah oui, le nombre d'invités qu'on a d'un seul coup là, ça comme ça. Ça va nous coûter cher. Mais Anaïs va continuer car elle s'est entraînée pour cette nouvelle tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Une petite mignonne de Fafa. Pourquoi allez, petite mon petit Fafa, on y croit. Il est prêt. Alors, c'est la maîtresse qui demande à Manu. Ah. C'est marqué comme ça. Hein. Attends, je vais le faire à la bélo. Dans la phrase. Ah, c'est bien. Je fais bien. Ouais. Le voleur est arrêté. Où se trouve le sujet ? Sûrement en prison, madame. Ça aurait pu être ça, ouais, la réponse. Ouais. La mignonne de Gégé. Oh, elle est mignonne. Hein. Ah. Quand il dit ça, j'ai peur. Oh, si, elle est là, parce que j'ai pas d'idée. Que fait une blonde quand la selle de son vélo est trop haute ? Elle l'enlève ? Elle dégonfle les pneus. Christophe Maé en a un tout petit, Jennifer en a pas. Christophe Willem en a un long. Qu'est-ce que c'est ? Une bite ? Non. Oh, GG, enfin. Un nom de famille. Oh là là. Blague de Maurice, sponsor, s'il vous plaît. Blague de Maurice vous est présentée par la maison de retraite des Trois Poussins. Maison de retraite des Trois Poussins, la maison où on finit bien. S'il y avait une imitation de Sarkozy, tu sais, un titre, quelque chose au bout d'un moment. Ça va très bien. C'est un curé qui monte en chaire un dimanche matin et dit à ses fidèles. Fidèle. 2 points. Laissez le faire. Quand tu penses qu'il a eu sa communion, mais on rêve. c'est pas de l'eau bénite. Alors vas-y. C'est pas de l'eau bénite. Alors chère, chère Anaïs. Pourquoi sorcière. Non bon, pourquoi parce qu'elle vient, elle vient pas toutes les semaines. Bah oui, cher paroissien et paroissienne. Je voudrais dire bonjour à la dame. Le titre du sermon de dimanche prochain sera fourré, pénétrer, décharger et jouir. À dimanche prochain. Durant la semaine, le message s'est transmis dans le village. Le dimanche arrive et l'église est noire de monde. Quelques paroissiens et paroissiennes restent même sur le parvis tellement qu'il y a du monde. Ah. Arrivé le moment du sermon, monsieur le curé monte en chaire et dit « Mes très chers paroissiens, je vous remercie d'être venus si nombreux. Ah. Et comme promis, le sujet spécial de ce matin est « Fourrez-vous bien dans la tête que quoi ?» Pour pénétrer dans le royaume des dieux, il faut vous décharger de vos péchés afin de jouir du paradis éternel. Oh là là. Amen. Oh, bravo, Maurice. Elles sont de mieux en mieux. Quand chapeau même. Bas. Ah oui, là, alors, chapeau. Non, les blagues de Maurice. Prends des cours avec Gégé, il faut parler devant ton micro. Il pourrait être curé, hein, il est bien en chair. Ouais. Oh. Oh. La blague de Bob oui. Avec un petit jingle. La blague de Bob vous est présentée par les ciseaux coupe tout. La blague de Bob, sitôt racontée, sitôt coupée. Bah, tu vas pouvoir la couper celle-là aussi. C'est un jeune Corse qui vient de passer l'oral du bac. Ah. Et il rentre à la maison, son père est très anxieux. Il lui demande, alors, ça s'est bien passé? Très très bien papa. Tu peux être fier de ton fils, ils m'ont interrogé pendant 2 heures. Je n'ai rien dit. Ah non, elle est bien celle-là. Celle-là, elle est bien. Alors, c'est un monsieur, enfin un type qui rentre du voyage. Il est parti en voyage d'affaires pendant un mois et il est tout heureux de retrouver sa petite amie. Et donc, il lui fait l'amour violemment. Ah! Et j'avais oublié de préciser, et bruyamment. Ah! Et à bout d'un moment, il entend que ça frappe dans le mur. Ah, c'est pas possible! C'est tous les jours maintenant! C'est très drôle! Faut suivre, mais elle est bien, ouais. C'est une dame qui va chez le médecin parce que son mari est à la retraite depuis 10 mois et puis pour la bagatelle, bah, c'est plus que c'était, il veut plus, il a plus envie. Il a plus envie. La bagatelle. Alors, voilà. Alors il lui donne une pilule et il lui dit vous allez voir, vous lui donnez ça et ça va revenir. 3 jours après. La dame revient chez le docteur. Ah. La perruque de travers. Oh. Le maquillage qui a coulé. N'importe, mais elle est mais défaite. Oui. Et le médecin lui dit « Déjà ? Vous revenez déjà ?» Elle dit « Donc ? Vous avez l'air d'une épouse satisfaite. Ben racontez-moi comment ça s'est passé. J'ai l'impression d'avoir trouvé le bon remède. Écoutez, docteur, c'était extra. Il m'a pris sur la table. J'ai même pas eu le temps de dire ouf. Il m'a fait tourner. Il a cassé tous les verres. Il a déchiré la nappe. Ah bon ? Comment vous avez fait ça ? Bah, c'est à l'apéro, j'ai mis la pilule dans son verre de whisky sans qu'il s'en aperçoive, et même pas 5 minutes après, bam, et c'était parti, c'était, vous voyez, y a pas que des mauvais côtés. Ah bah écoutez, je suis content d'avoir pu remettre votre couple en harmonie. Oui, c'est ça, docteur, mais enfin, je suis pas sûr qu'on soit encore accepté dans ce restaurant. Ça fait des ordres. Alors la blague d'Anaïs Petit. Bon, elle est un peu trash, hein. Ah oh, enfin. Enfin bon, pour vous, je sais pas si ça sera trash. C'est un pédophile qui marche dans la forêt avec une petite fille. Et puis, et la petite fille lui dit j'ai peur, il fait noir, j'ai peur, je veux rentrer chez moi. Puis le pédophile lui fait mais non, allez, avance, tais-toi. Mais non, mais j'ai peur. Oh, tais-toi, c'est pas toi qui vas rentrer toute seule. Hein. Je craignais le pire. À la grande comédie. C'est affreux. Non, elle est très bien. Elle est bien. Et en récompense, Anaïs mérite une deuxième roulette russe. Absolument. Comme tout à l'heure, des mots, tu dis stop quand tu veux, et automatiquement, instantanément, sans ses notes, bon, et spontanément, Maurice raconte la blague. C'est, attention. C'est censé être une récompense. Allez, salut tout le monde. Ça, c'est drôle. Tu vas voir, là, choisis-la bien. Hein. Top quand, alors, top quand tu veux. Hein. D'accord. C'est parti. Araignée, poussin, clocher, zébu, souris, merlin, Star Wars, skieur juif, Tu voulais faire faire. Star Wars, on t'a dit. Non. Elle a pas eu le temps de dire stop. Attends, remettez le jingle, elle a pas eu le temps de dire stop. Maya l'abeille, vache, Star Wars. Stop. Je n'ai tout pas à été fait influencé. Au hasard. Hein. Voilà. Ah, on l'aime bien celle-là. Alors, la blague de Star Wars. Ah oui. Ça commence comment? Chère Anaïs. Chère Anaïs. Ma chère Anaïs. On la regarde quand même. Oui, je te regarde. Quand sais-tu quand sais-tu voilà. Arrête. Non. Je t'aide. La différence est-elle sais-tu quelle différence qu'il y a non, laissez-le. Ah, non, mais ne commencez pas à lui. Alors, chère Anaïs. En plus, je la connais par cœur. Chère Anaïs. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ton grand chapeau. Il va jamais y arriver. Ma chère Anaïs. Ma chère Anaïs, pour la 15e fois. Ma chère, oui. Ma très chère Anaïs. Et son oui pour la 16e fois. Ma chère Anaïs. Oui. Laissez-le. Oui. Quand est-ce non, pas. Jamais je l'ai vu trop. Quand, oh, quand a lieu le retour du Jedi? Cache. Ah. Voilà. Alors là, la question est bien posée. Alors, le retour. Bah, lui non plus. Alors, vas-y. Le retour du Jedi, oui. C'est entre le mercredi d'ail. Oui. Mercredi. Le mercredi et le vendredi. Oh, alléluia! Et il s'est quand même trompé. Non, bah, oui. Non, elle était presque. Presque. Bah, oui. C'était presque. Le mercredi d'ail et le vendredi d'ail. Voilà, oui. Alors, Anaïs, pour ton plaisir personnel, Frédéric a travaillé dur cette nuit. Ah oui. Et nous a préparé. Un petit quiz. Ah non, pas une pizza, un petit quiz. Ah bah non. Ah, si j'avais préparé une pizza, mais je l'ai bouffé. Combien de titres? Combien de titres? 8. Donc, restez avec nous, le petit quiz de Fred avec Anaïs Petit, merci. C'est juste après cette courte pause. Ouais. Retournons, on va se marrer. Quand même. Oh là là. Avec Anaïs. Ah bah Petit. Oui, on en pouvait plus. Ouais, là. Ouais, c'était long. Ouais. C'est vrai que, quatre ans pour venir nous voir, Anaïs. Oh, c'est une grande guerre. Quand tu penses qu'on a des invités qui reviennent tous les ans. Tu parlais de Guillaume tout à l'heure, il vient tous les ans nous voir. Tiens, on n'a pas vu Christine Bérou cette année encore. Christine, qu'est-ce que tu fous? Elle nous écoute, tiens. Christine. Tom Trondel, il n'est pas venu aussi. Non. Si, il est venu la semaine dernière, on l'a eu. Non, il y a 15 jours. On l'a eu il y a 15 jours. Mais Fred, il est là toutes les semaines, par contre. Ah oui, ça, on l'a toutes les semaines. Ouais. Bon, alors Anaïs, en fin d'émission, Frédéric nous le sort. Oui. Mais rassure-toi, il est inoffensif. C'est un petit quiz. Ah bah ça, c'est un petit quiz. Nous allons jouer avec des génériques télé. Ah. Il y en a 8. Des émissions récentes qui passent encore à la télévision pour la plupart. Des émissions. Eh ben voilà, oui. C'est quoi, Bob, le premier truc qu'on entend? Le jingle, voilà. Le jingle. Ah non, mais GG, forcément, tu regardes jamais la télé, donc... Je la regarde la nuit. Ah bah voilà. Ah, ah mais ça, c'est le jour. Donc, il y avait... Excuse-moi, il n'y avait pas le générique de chasse et pêche. Non, non, mais... Alors, Anaïs, t'en as trouvé combien? 7, mais il y en a une, je suis pas sûr. Ah, 7, c'est bien, déjà. 7, c'est bien, ouais. 7, c'est bien. On va faire comme Maurice. Et oui. Maurice, qu'est-ce que tu fais? On va se décomposer. Rien du tout ce soir. Ah, non. Tu te décomposes plus? Oui, je suis déjà. Tu sais comment on l'appelle dans le marais, Maurice? Non. Le compost. Non. Priorité à l'invité, bien sûr. Ah oui. Anaïs? Faites entrer l'accusé. Ah bah oui. Il l'a violé. Elle n'était pas d'accord. Non. Mais elle est revenue quand même. Alors? Ruquier. Oui, c'est ça, c'est Ruquier. C'est oui, pas. Mais l'émission. On n'est pas couché. Bien. Ah. Bravo, bravo. Ils n'ont pas accepté de venir ce soir. Non, Maurice. C'est plus ça maintenant. Alors, ça, j'ai pas trouvé. La gaffe. Oui. Le juste prix. Le juste prix, bravo. Ah oui. Comment tu connais ça? Bien sûr, ça existe encore. C'est pas la musique d'origine aussi? Non. C'est la musique d'actuelle. 2013. Ah, sinon j'aurais trouvé. Alors, ça, c'est moi. Alors moi j'ai trouvé Starac mais... Non c'est l'autre. 50 milliards de consommateurs. Anaïs. C'est la nouvelle star. Bah oui c'est moi. Ah voilà. Ah j'ai hésité. Merde. La nouvelle star. Ah Anaïs. Anaïs. Mesdames, messieurs, bonjour, c'est Élise Lucet. Ah oui, merci, de... merci d'avoir repéré ce tic d'Élise Lucet que je déteste. Le tic, ah ben, moi j'avais trouvé, c'était Journal Antenne 2. C'est JT2. Le France 2. C'est le JT. Ça fait 20 ans France que ça s'appelle 2. France 2. Oui, bah moi j'appelle Antenne 2. Anaïs, bah, c'est là qu'on va enfermer Maurice. Secret Story. Ouais. Je l'avais aussi. Ouais. Le secret de Maurice, je suis une gourde. Oh, bah c'est pas un secret. Non, c'est je suis un homme. Je réponds même fait, plus. Attends, c'est pas des émissions, c'est des. Et ça merdes. Alors ça, Anaïs. C'est tous les midis. C'est un Morandini, c'est quoi ça? Tout le monde veut prendre sa place. Eh oui, oui, tout le monde veut prendre sa place de Nagui. Ah ouais, d'accord. Okay, alors là, moi, j'étais loin, loin, loin. Cash. Il y a Cash aussi dans l'émission. Ah oui, c'est à Cash dans cette émission-là. Non, rien de là. Ah ouais, il y a Cash là-dedans. Duo, carré ou Cash? Je l'ai vu, je n'ai jamais vu cette émission. Et là, je l'ai pas. Hein. Et pourtant, je connais. Non, moi, je connais pas. Oui. Mais Anaïs, un truc de sport, non? Anaïs, ça connaît. Le grand journal sur Canal+. C'est le grand journal. Oh là là! Je savais que je connaissais. Alors, hé, là, on doit réellement applaudir notre invité Anaïs Petit parce que. On a rarement eu un invité qui trouve autant de bonnes réponses. À part le juste prix. Grande téléphage. Et pourtant, je regarde pas la plupart de ces conneries. Non, mais on voit que tu veux, que tu veux te faire inviter par tous les médias. Nous non plus, on regarde pas. Hein. Comment? Eh. Un. Oh. Oh. Eh. Eh. Oh. Quoi? Et mes acclamations. Ah, j'ai oublié les acclamations. Tu les as eues, non, de ton salut. Ah, ah, viva ton salut. C'est un peu trop, c'est un peu trop. Oh, ah, alias Frédéric Coster a bien préparé ce jeu. Ouais, ouais. Voilà. Alors, attention. À quatre couleurs. Anaïs, deux équipes. Oui. Donc, l'équipe d'Anaïs, les noisettes. Ton équipe, Anaïs. Et l'équipe des écureuils. Ah. Et je dois ce soir vous dire que ça a été compliqué de vous départager parce que vous avez été très brillant. Alors, l'équipe des écureuils, donc Bob, Maurice et Manu. Méritez quand même les applaudissements du public car vous avez marqué 8 points. Oh bravo! Oh, ça c'est extraordinaire! Exceptionnel! Bravo! Surtout avec Maurice, exceptionnel! Bravo! Mais car il y a l'équipe d'Anaïs Petit, Fred, Fabrice et Gégé ont marqué 6 points. Ont marqué 9 points! Là donc ils vous détrônent 2 points! Mais peut-être ils veulent doubler leur mise! Non, mais avec un coefficient de 1 de plus. Non, ça se fait pas dans ce sens-là. J'ai pas le temps. Elle a pas le temps. Alors, ça va nous permettre de refaire un coup de promo pour Anaïs, Anaïs Petit, qui vous donne rendez-vous tous les jours pairs jusqu'à la fin du mois au théâtre de l'Observance à 20h10 pendant tout le festival d'Avignon. Son site anaïspetit.com. Anaïspetit.com, c'est le site d'Anaïs avec en plus plein d'extraits, plein de trucs sympas. Donc voilà, bah, et Anaïs. T'attends pas 4 ans pour revenir nous voir quand même. Ah bah j'espère pas. Donc on remercie Anaïs. Ouais, ouais, ouais. Bravo Anaïs Petit. Bravo Anaïs. Ah, merci à vous. Ah dans 4 ans. Ah non. AnaïsPetit.com, c'est son site internet. Allez-y pour retrouver Anaïs. Et puis sur Facebook aussi. Ouais. Hein, ah Facebook, oui. Demandez-la comme amie. Ah, oui, comme oui. Ça vous aurez son actu. On va remercier autour de la table Bob du club. Au revoir les filles. Boris. Merci de votre patience. Ah oui, oui, oui, il en faut. Manu. Ah, il reviendra, il reviendra. GG. Je suis pas certain de revenir. Parce que tu m'éloignes de plus en mais plus. Mais non, t'inquiète pas, GG. On va te revoir bientôt la porte. La prochaine. Bah, déjà, on t'entend. Déjà, on t'entend au micro. Ouais. Mais voilà, alors, Fabrice. Ah oui, oui, il était là aussi. Frédéric Auster. C'est lui-même. Il est là tous les jours. Davy pour la réalisation. Heureusement qu'il est là. Et Daniel Darieux. Merci pour elle. Des choses importantes, c'est onvasemarrer.com pour les anciennes émissions, iTunes pour le podcast et la page Facebook pour la photo qu'on va faire maintenant avec Anaïs Petit. Merci de votre patience, à la prochaine fois. Ouais.